Chapitre 31e. En effet, le lendemain de bonne heure, nous partîmes, Madame de Lignolles et moi. Le comte, retenu pour quelques affaires, nous faisait espérer qu'il lui serait impossible d'aller nous rejoindre avant 8 jours. Je n'entreprendrai pas de vous peindre la folle joie que ressentit ma jeune maîtresse lorsqu'elle se vit en route avec moi. Je ne vous dirai pas non plus jusqu'à quel point ce voyage m'amusait. Mais vous savez qu'on ne s'ennuie pas de courir la poste avec une femme qu'on aime. Il était près de 5 heures lorsque nous arrivâmes à son château, distant de Paris de plus de 20 lieues. Nous n'avions pas dîné. Je sentais un vif désir de me mettre à table. Mais la comtesse s'occupa d'abord d'un autre soin qu'elle jugeait plus essentiel. Nous commençâmes par aller visiter l'appartement qu'on lui avait préparé. Elle fit dresser un second lit à côté du sien. Il était décidé que Mademoiselle de Brumont coucherait partout où coucherait Madame de Lignolles. Cependant, la nouvelle de notre arrivée s'étant répandue dans les villages dont la comtesse était seigneur, il y eut le soir même grand concours au château. Madame de Lignolles ne reçut point la triste et cérémonieuse visite d'un campagnard gentillâtre, fier de son antique inutilité, ni de quelques bourgeois enrichis, plus vain encore de leurs privilèges nouveaux. Sa nombreuse cour se composa tout entière de ces hommes presque partout dédaignés et partout respectables, à qui la plupart de nos gens prétendus comme il faut ont persuadé que le premier des arts était un vil métier. Moins crédules et plus fortunés, chacun des honnêtes laboureurs que je voyais paraissait avoir la conscience de ses talents en particulier et en général le noble orgueil de son état. Tous montraient devant Madame de Lignolles une modeste assurance. Tous étaient redevenus des hommes depuis qu'une femme les avait protégés. Tous, en se félicitant du retour de la comtesse, s'affligeaient de ne pas revoir la marquise et demandaient au ciel qu'il eût plu de rendre à la nièce les bienfaits dont la tante les avait comblés. Pressées autour de ma charmante maîtresse, les femmes l'accablaient de remerciements et d'éloges, les filles la couvraient de fleurs, les enfants se disputaient sa robe pour la baiser. Digne de l'amour qu'elle inspirait, Madame de Lignolles avait retenu tous les noms. Elle adressait au vieux Thibault un remerciement affectueux, à la bonne Nicole une obligeante question, un compliment flatteur à la jeune Adèle, une douce caresse au petit Lucas. Elle s'inquiétait avec intérêt de la situation des affaires communes. En vérité, vous eussiez dit une tendre mère tout à l'heure revenue au sein de son heureuse famille. « Éléonore, lui dis-je, ma chère Éléonore, vous mériteriez d'être l'objet de l'allégresse générale, car vous paraissez la sentir vraiment. « Eh bien, s'écria-t-elle, me voilà décidée, je resterai dans mes terres, pourvu que tu me sois fidèle. « Comment ne le serais-je pas, ma charmante amie? Où trouverais-je, avec plus de vertu, tant... « Je n'en puis dire davantage. Oh, ma Sophie, un souvenir m'empêcha d'achever. « Tu m'aimeras donc toujours, reprit tout bas Madame de Lignolles, toujours. Tu ne t'occuperas que de moi, que de toi. Mais voyez-vous donc, Madame la Comtesse, comme ces paysannes sont jolies. Et comme ces jeunes gens ont bonne mine, me répondit-elle. Vraiment, je suis tentée de croire qu'il se fait ici beaucoup d'enfants, et de beaux enfants, parce que les pères sont contents de leur sort. Il faut que je vous raconte le comique incident de la nuit suivante, car je n'y puis tenir. La Comtesse n'ignorait pas que M. de Lignolles, revenu à l'improviste, venait de prendre pour lui l'appartement voisin du nôtre. Mais l'étourdie n'avait pas remarqué qu'une simple cloison séparait son lit du lit où son mari ne dormait pas encore. Or, devinez, aux questions qu'il fit à sa femme, devinez, dis-je, la cause du bruit qu'il avait entendu. « Vous êtes incommodée, madame ? Qui me parle ? Moi ? Que me demandez-vous ? Si vous êtes incommodée ? Incommodée, point du tout. Tout à l'heure, je vous entendais vous plaindre. Me plaindre, moi ? « Je ne me plaignais pas, monsieur, je vous assure, vous avez rêvé cela. »« J'ai bien entendu. Mais vous-même, vous rêviez peut-être. »« Au reste, j'ai tort de m'alarmer. Si vous aviez besoin de quelque chose, vos femmes ne sont pas loin. »« Et Mademoiselle de Brumont est là tout près de moi, monsieur. »« Oh ! Mademoiselle de Brumont s'entendrait-elle à donner des soins à une femme qui... »« Mieux que toutes les femmes du monde. »« Avez-vous eu occasion d'en essayer, madame ?»« Plusieurs fois, monsieur. » « Déjà, oui, et je vous certifie que mes femmes et vous-même, monsieur, vous aussi, vous m'eussiez laissé mourir, faute de pouvoir me donner les secours qu'elle a eu le talent de me prodiguer. En ce cas, je puis dormir tranquille. Dormez, dormez. Je vous souhaite une bonne nuit, madame. Grand merci, elle ne commence pas trop mal. Bonne nuit, mademoiselle de Brumont. Monsieur, j'y tâche. Ceci, du moins, fut pour la vive comtesse un avertissement de gémir plus bas, s'il lui arrivait de gémir encore, surtout de ne pas me donner d'autre nom que mon nom de fille, soit qu'il eût plu de recevoir quelque nouveau secours, soit qu'elle crût n'avoir plus que des remerciements à me faire. Le jour était grand lorsque nous nous réveillâmes. Madame de Lignol me proposa de monter en voiture et d'aller rejoindre son mari dès le matin parti pour la chasse. J'acceptai. Nous partîmes. À peu près à une demi-lieue du château, nous mîmes pied à terre parce que la comtesse voulait gravir une colline avec moi. Déjà, nous touchions à son sommet, et les gens de Madame de Lignol étaient assez loin derrière nous, quand nous fûmes surpris de voir un cavalier qui d'abord venait au galop arrêter son cheval dès qu'il nous eut atteints et nous examiner curieusement. « Que veut cet homme ?» demanda la comtesse. « J'apporte une lettre à Mademoiselle de Brumont elle-même. Donne. Je dois la remettre à Mademoiselle de Brumont elle-même. C'est moi. » Il lui répondit. « Non, ce n'est pas vous, c'est lui. » ajouta-t-il en me montrant. « Comment, lui ?»« Oui, lui. » Il me jeta le billet et repartit aussi vite qu'il était venu. Je décachetai, je lus. « Qu'est-ce donc, Faublas ? » s'écria-t-elle. « Tu pâlis. »« Rien, rien, mon ami. Montre-moi le billet. Je ne puis. »« Non ?» Avant que j'eusse deviné son dessein, elle m'arracha le maudit papier et le mit dans sa poche. Nous redescendîmes la colline, nous reprîmes le chemin du château, et malgré mes vives instances, je ne pus obtenir que la lettre me fût rendue. Rentrée dans son appartement, la comtesse s'y enferme avec moi, puis, s'étant à l'improviste jetée dans un cabinet de toilette dont la porte se ferma sur elle, rien ne l'empêcha de lire l'épître fatale. C'était un cartel ainsi conçu. « Tu fus longtemps mademoiselle du Portail, tu es maintenant mademoiselle de Brumont. J'ai toujours vu dans ta physionomie que tu ferais toute ta vie métier de tromper des maris et de séduire des femmes. Il ne tiendrait qu'à moi d'intéresser un second dans ma querelle en divulguant ton secret, mais tu croirais que j'ai peur. Si tu n'es pas en effet devenue femme, tu te rendras dans 3 jours, le 10 du présent mois de mars, dans la forêt de Compiègne, au milieu du second chemin de traverse à gauche. J'y serai depuis 5 jusqu'à 7 heures du soir, sans amis, sans domestique, et je n'aurai d'autre arme que mon épée. Signé, le marquis de B. » Il n'y avait pas 2 minutes que Madame de Lignol avait disparu quand elle revint se précipiter dans mes bras. « Il faut y aller, mon ami, » me dit-elle, « il faut y aller. Je ne suis pas femme à te rien conseiller contre l'honneur. Nous allons dîner et partir, n'est-il pas vrai ?»« Oui, mon ami. » »« Le 10, c'est aujourd'hui le 9. Tu as près de 40 lieues à faire. Il n'y a pas un moment à perdre. » »« Dis. » »« Oui, mon ami. » »« Eh bien, nous arriverons cette nuit à Paris. Tu seras demain sur les 5 heures du soir à Compiègne, et avant la fin du jour, tu tueras le marquis. Hein ?»« Oui, mon ami. » »« Mais ne t'avise pas de le manquer. » »« Tue-le au moins. » « Cela est très essentiel. Tue-le. Il est notre secret. Tu conçois le danger. Tu conçois. »« Oui, mon ami. » »« Cependant, c'est une chose bien cruelle que d'ôter la vie à quelqu'un, que d'avoir la vie d'un homme à se reprocher. Non, Faublas, ne le tue pas. Blesse-le seulement. Et tu lui feras donner sa parole d'honneur qu'il ne dira rien. Entends-tu ?»« Oui, mon ami. » »« Et tu reviendras tout de suite m'assurer que c'est une affaire finie. Je t'attendrai à Paris. » Tu reviendras tout de suite, n'est-il pas vrai ? Oui, mon ami. Ou bien, j'irai avec toi. Cela n'est pas impossible, qu'en penses-tu ? Oui, mon ami. Et mais il dit toujours oui, il me répond sans m'entendre. Madame de Lignol me donna, dans son extrême agitation, 1000 conseils dont il était difficile que je profitasse. Quelques heures après, Monsieur de Lignol revint de la chasse. Il commença la longue histoire de tous les beaux coups qu'il avait faits, quand madame lui annonça que nous allions tout à l'heure dîner et partir. Le comte reçut cette nouvelle avec étonnement, mais avec plaisir. Il nous dit que, quoiqu'il se fût proposé de ne retourner à Paris que le lendemain, il avancerait très volontiers son départ d'un jour pour avoir le plaisir de revenir avec nous. La comtesse, qui eût mieux aimé ne voyager qu'avec moi, fit quelques tentatives pour que son mari se montra moins poli. Malheureusement, il avait déjà calculé que ce retour commun épargnerait quelques frais de route, et madame, apparemment, ne crut point que ce fût le cas de frapper un coup d'autorité. Enfin, nous nous mîmes en route. Nous avions fait 2 lieues. De loin, je découvris la ville de Nemours et, près de nous, le clocher de Fortmonville. Alors, madame de Lignol se sentit incommodée. L'indisposition dont elle se plaignait me fit en même temps frémir d'inquiétude et de plaisir. C'était un grand mal de cœur. Quelle joie et quelle douleur pour moi! Mon Éléonore était mère. Elle l'était, sans doute. Mais j'allais la quitter. J'allais me battre. Et dans 3 jours, peut-être, je me voyais forcé d'abandonner tout à la fois. Tout, maîtresse, enfant, patrie. Et mon père, et ma Sophie. Sophie que je n'adorais plus seule, mais que j'adorais toujours. Ainsi mon esprit recueillait 1000 pensées diverses. Ainsi mon âme éprouvait 1000 sentiments contraires. Et ce n'était qu'un faible prélude des terribles agitations que mon amante allait partager avec moi.